On est presque pareil alors, sauf que moi ma mère était allemande. Thank you. vous. Alegría. écouter. Oui. Good way. Good way to get fit. Health. Alors, you are playing in your bed. Django. Il n'y a pas de chanson de Django. Parce qu'il ne chante pas. Chinois son truc. Si j'avais un petit train, je ne serais pas loin. Comment s'appelle la nouvelle? Tous les silences de mon monde dans ma tête. dessine dans tes commotions cérébrales.